En allemand, le passé du verbe être pour je est war. Ich war, j'étais. Ich war. Ça s'écrit W-A-R. War. On a donc ich war, j'étais. J'étais dans le Var. Et on retrouve cette même forme war avec il ou elle au singulier et ça. Er war, il était. Sie war, elle était. Es war, c'était. Tandis qu'avec nous et le vous de politesse, et il ou elle au pluriel, c'est waren. Wir waren. Nous étions. Sie avec un S majuscule waren, vous étiez. Et sie avec un S minuscule waren, ils étaient, elles étaient. Alors, comment dira-t-on « j'étais là-bas hier soir » ? Ich war hier soir. Gestern Abend. Là, là-bas. Dort. Dort. Dort, oui, tout à fait. Puisqu'il n'y a pas de mouvement, donc ich war dort ou ich war da. Vous pouvez aussi dire da pour là. Donc, avec da, ça donne. Ich war gestern Abend da. Bien. Ich war gestern Abend da. Mais ce n'était pas prêt. Aber es war nicht fertig. Fertig. Bien. Aber es war nicht fertig. Ich war gestern Abend da, aber es war nicht fertig. Mhm. Comment diriez-vous nous étions là? Wir waren. Waren, oui. Là. Da. Wir waren da. Et où étiez-vous? Wo waren Sie? Bien. Wo waren Sie? Mm-hmm. Ce n'était pas possible de le faire. Es war nicht möglich. Es tun. Es zu tun. C'est ça. Es war nicht möglich, es zu tun. Ce n'était pas possible de le faire. Et je voudrais maintenant qu'on voit le verbe avoir, haben, au passé. Avec je, on a hatte, avec deux T. H-A-2-T-E. Ich hatte, c'est j'avais. Ich hatte, et donc aussi er hatte, sie hatte, es hatte, pour il avait, elle avait, ça avait. Comment dira-t-on nous avions? Wir hatten. Bien, wir hatten. Et vous aviez, vous que je vous vois? Sie hatten. Sie hatten. Et comment diriez-vous, je n'avais pas le temps de le faire parce que j'étais très occupée? Ich hatte keine. Je n'avais pas le temps. Ich hatte keine temps. Zeit. De le faire. Es tun, es zu tun. C'est bien ça. Ich hatte keine Zeit, es zu tun. Parce que j'étais très occupée. Alors là, vous avez le choix entre denn ou weil. Donc, parce que j'étais très occupée. Denn ich war. Denn ich war. Sehr beschäftigt. Sehr beschäftigt. Beschäftigt. Ou bien, weil ich. Weil ich. Sehr beschäftigt war. Bien. Weil ich sehr beschäftigt war. Si vous voulez dire, je ne le trouvais pas. Il est pratique d'utiliser le porte-manteau konnte. Et de dire « je ne pouvais pas le trouver ». Comment diriez-vous « je ne pouvais pas le trouver » ? Ich konnte nicht es finden. Bien. On dira plutôt « ich konnte es nicht finden » avec « nicht » qui vient après « es ». On a donc les formes « konnte » et « konnten » qui correspondent au verbe pouvoir au passé.